Toutes les histoires que vous allez voir sont vraies. Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. Le très sérieux collège de patapsychologie. C'est quoi ça ? Ah, voilà la grosse question. Un des principes fondamentaux est d'ailleurs celui de l'équivalence des contraires. C'est peut-être ce qui vous explique ce refus que nous manifestons de ce qui est sérieux et de ce qui ne l'est pas, puisque pour nous, c'est exactement la même chose. Mais voyez quelle extravagance ! De toute façon, il y aura des fluctuations spatio-temporelles. Pourriez-vous éclairer nos auditeurs avides de lumière ? Nous vous écoutons dans le plus grand recueillement. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le très sérieux collège de patapsychologie. Je suis Nathan Ulry, doctorant en psychologie clinique, et je suis très heureux de vous retrouver pour déjà ce 4e épisode du très sérieux collège de patapsychologie. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est le très sérieux collège de patapsychologie ? Eh bien, c'est votre podcast sur la patapsychologie, mais qui se prend pas trop au sérieux et qui va, avec un abord scientifique, explorer le monde de l'exceptionnel, du paranormal, de l'étrange, bref, de la patapsychologie finalement. Ce podcast est porté par et produit par l'association Anomalie, dont on reparlera juste après. Et si vous avez écouté déjà nos 3 premiers épisodes, vous commencez à connaître la recette. À chaque émission, on reçoit un invité pour parler d'une thématique qui lui tient à cœur, sur laquelle il travaille et dont il va discuter avec nous tout au long de l'émission. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Étienne Artru. Salut Étienne. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va, ça va. Super. Alors Étienne, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire un petit peu qui tu es ? Eh bien, je suis doctorant à l'Université de Lorraine, donc encore un doctorant en 4e année. Commence à être récurrent cette histoire. Mais pas un doctorant de Renault, donc je suis encadré par Thomas Raberon, qui est maintenant à l'Université de Lyon, pardon, et Ariane Bazan. Et voilà, je suis aussi psychologue, évidemment, mais non pratiquant. J'aime beaucoup. Pour le moment, en tout cas, pour le moment. Et puis, vous vous en doutez, je ne suis jamais seul pour triturer nos invités, puisque j'ai à mes côtés le seul et l'unique Renaud Évrard. Comment vas-tu, Renaud ? Bah, très bien, malade comme toi. Ouais, bah, ça va être tout l'hiver. Nos émissions de l'hiver vont être comme ça. Est-ce que tu peux te présenter, toi aussi, Renaud ? Oui, donc je suis maître de conférence, habilité à diriger des recherches à Nancy, à l'Université de Lorraine, psychologue clinicien, et j'encadre un certain nombre de doctorants, mais pas Étienne Artru, effectivement, donc on l'accepte quand même, on est tolérant ici. Oui, on est pas trop sectaire, pas trop non plus. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. Je peux dire aussi un mot, je suis le président de l'association Anomalie dont tu as parlé, qui est une association de médiation scientifique et culturelle. On fait un certain nombre d'événements. En début avril, 4-5 avril, à Nancy, on va faire le Festival des Anomalies. Et entre-temps, on soutient un certain nombre d'autres petites initiatives dans le champ du paranormal, de la clinique des expériences exceptionnelles et des anomalies en général. Eh bien, c'est très bien que tu commences à nous parler des informations et des news, puisqu'avant discuter avec toi, Étienne, je vous propose qu'on passe à notre rubrique News, Information, Événement, Anomalie Report. Anomalie Report. Alors Renaud, qu'est-ce que tu nous as ramené de beau à nous présenter aujourd'hui ? Alors, il n'y a pas énormément de nouveautés, mais je vais quand même commencer par ça. On a lancé un séminaire à l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS, à Paris. C'est un séminaire assez unique, c'est la première fois qu'on aborde des expériences exceptionnelles dans ce cadre-là. Et donc, c'est un cours qui s'appelle Clinique, Histoire et Anthropologie des expériences exceptionnelles, qu'on peut suivre gratuitement si on est à Paris, mais aussi en visio. Il suffit tout simplement de s'inscrire en ligne en repérant ces éléments. Donc, c'est le premier mardi soir de chaque mois, en distanciel ou en présentiel, et c'est drivé par Sylvain Piron, qui est un directeur d'études de l'HESS en anthropologie historique du Moyen-Âge, qui a travaillé notamment sur des mystiques faisant des prodiges au milieu du 12e siècle, par exemple. Antoine Bioc, qui est professeur de psychologie à Paris 8, et un grand spécialiste de l'hypnose en France, et puis moi-même, dont je me suis déjà présenté. Donc ce qu'on a eu envie de faire, c'est de mélanger en fait nos disciplines, d'accueillir aussi un certain nombre de chercheurs chercheurs et puis de curieux pour discuter dans un cadre académique de ces sujets, notamment de comment on les étudie avec différentes perspectives croisées. Le premier intervenant, le 4 novembre, ça a été Bertrand Meest, qui est un historien, sociologue et philosophe. Philosophe. Grand philosophe. Ouais. Je vais être très en forme aujourd'hui, je le sens. Et donc, qui a parlé de son étude notamment sur Jésus. Jésus qu'il a examiné sous un regard de thaumaturge, c'est-à-dire quelqu'un qui d'abord produit des prodiges, des faits qui peuvent être interprétés comme des miracles, mais qui sont des phénomènes qu'on peut également retrouver chez d'autres sujets plus contemporains. Donc voilà, ça c'était un premier point. Et donc il y aura d'autres interventions. Le 6 janvier, ce sera mon tour, et je parlerai des expériences de mort imminente notamment. Et puis, je voulais aussi dire que, bon, je parle souvent de livres, mais il y a beaucoup d'articles. Hein, notre activité académique nous oblige aussi à faire des formats beaucoup plus courts. Et donc, cette année, c'est des choses que vous pouvez retrouver en ligne. Il y a Romain Jallet, qu'on accueillera prochainement, qui est un de mes doctorants, qui travaille sur les contacts avec les défunts, qui vient de publier un article très original. C'est vraiment un des premiers du genre, en tout cas en français, sur les gens qui perdent un animal de compagnie, leur chat, leur chien, ou quoi que ce soit. Et en fait, l'animal est encore présent sous une forme un peu fantomatique. Donc ça s'appelle « Bien plus qu'un animal », clinique du deuil de l'animal de compagnie, lien continué et expérience exceptionnelle zoonécrophanique. Donc c'est un néologisme qu'il a inventé. Et c'est publié dans l'Évolution psychiatrique. Donc ça, voilà, c'est un article intéressant à aller découvrir. Et puis, dans la même revue, on a un autre article avec Romain Jallet, avec également Marianne Dolander et Joris Mathieu, sur un cas clinique que j'ai accueilli pendant un certain temps d'une personne dont l'appartement était hanté par un esprit assez maléfique qu'il appelait la quintessence du mal. Et c'est un examen, en fait, c'est un cas qui permet d'illustrer les problématiques qu'on dit d'autonomie et de reliance, donc la façon dont ces expériences exceptionnelles se connectent aux relations sociales qu'on peut avoir et aux difficultés qu'on peut avoir aussi à établir des bonnes distances avec les gens. Donc voilà, ça c'est un autre article clinique et il sera repris prochainement, j'en reparlerai dans un ouvrage. Et puis tout récemment, je viens de publier en solo pour le coup un article sur les grèves d'identité. C'est les personnes qui ont une transplantation d'organes et à la suite de ça, ils ont des changements de personnalité qu'ils attribuent à l'organe, au donneur. Et ça peut être des souvenirs qui ne sont pas les leurs, des habitudes ou des aversions alimentaires pour le divertissement, etc. Et donc c'est très étonnant, mais il y a de plus en plus de publication, donc j'ai fait simplement une synthèse de ce qu'on savait et des questions qu'on se posait dans ce domaine. Donc voilà, ça c'est publié dans les annales médico-psychologiques. Et j'en parlerai lors du congrès, le premier congrès international sur l'expérience exceptionnelle de fin de vie qui a lieu à Nancy les 4 et 5 décembre. Si l'émission, vous l'écoutez après coup, on va faire tout ça en hybride et on va essayer de filmer toutes nos interventions. Vous pourrez normalement vous les retrouver sur YouTube. Encore une fois, sur YouTube, vous avez le Paranormal Show, j'en ai parlé la dernière fois. C'est un talk show qui plonge avec sérieux dans les mystères de notre monde et c'est vraiment des interviews en profondeur de chercheurs francophones. Et il y a déjà Thomas Raberon qui est intervenu, donc dont on a parlé, ton directeur de thèse, dont la vidéo cartonne, elle fait déjà près de 60 000 vues en l'espace d'un mois. Elle dure plus de 2 heures et c'est vraiment étonnant pour un format de ce type-là. Ouais. Moi-même, je suis intervenu, je fais moins fort. Et puis Mario Varvoglis, qui est un chercheur en parapsychologie francophone, et Nicolas Dumont, là, va être la prochaine grande interview. Il y aura d'autres, et notamment Marine Métis, qu'on a accueillie la dernière fois. Et puis, toujours en librairie, le grand manuel de parapsychologie scientifique chez Duno, auquel on avait consacré notre première émission, et puis est paru le 21 novembre, Face à l'invisible, paranormal du mythe, entre mythe et réalité. Je ne suis jamais sûr de mon titre. Tu as encore changé le titre? Parce que c'est ce que j'ai noté. J'ai toujours un doute. Mais en tout cas, ouais, c'est un ouvrage qu'on co-dirige avec Emmanuel Justuit, qui est philosophe. Et ça rassemble une vingtaine de chercheurs anciens et contemporains sur ces sujets. Expérience de mort imminente, OVNI, parapsychologie scientifique. Et voilà, et le rapport que ça peut avoir avec les mythes. Et puis, il paraîtra très très prochainement, il est en cours d'acheminement vers Paris, un livre en 2 volumes, assez gigantesque, qui s'appelle La finalité du paranormal et la science des entretiens entre François Favre et Philippe Garnier. Donc tout ça, tous ces gros ouvrages, c'est des petites fèves à mettre dans votre galette des rois et ce sera parfait pour trouver galette, la... pour être le champion quoi. Ok, alors je vous propose qu'on fasse quand même un petit rappel de tout ça parce que ça fait beaucoup d'informations d'un coup et vous avez peut-être pas eu le temps de tout noter. Donc si on reprend dans l'ordre, d'abord le séminaire à l'EHESS tous les premiers mardis de chaque mois, c'est bien ça. Le soir. Le soir, en visio, faut s'inscrire, c'est gratuit. Ouais, c'est ça, on vous inscrit sur le site de l'EHSS. Ok, parfait. J'ai 3 articles, un sur le deuil de l'animal de compagnie avec Romain Jallet, toi, Magali Molinier et Marianne Delander. Un sur autonomie, reliance, dans la clinique des expériences exceptionnelles, toi, Delander, Romain Jallet, c'est les mêmes mais pas dans le même ordre, c'est ça. Et Joris Mathieu. C'est puis, différents tiercés. Ah, c'est ça. Et puis un troisième de toi seul sur la greffe d'identité, les changements d'identité lors de greffes de membres ou d'organes. D'organes plutôt. Ouais, de membres, c'est pas. Je suis psy, moi, hein, pas chirurgien. Hein, c'est non, ce que je peux. Le congrès sur l'expérience exceptionnelle de fin de vie à retrouver sur YouTube si vous n'avez pas eu l'occasion d'y aller. Le Paranormal Show avec déjà une vidéo d'une interview de Thomas Raberon et de toi disponible, et puis d'autres à venir, notamment Marine Mutis. Si vous l'avez apprécié dans le dernier podcast, eh bien vous pourrez la retrouver là-bas. Et puis les fèves en papier sous forme d'ouvrage à mettre dans la galette, c'est le grand manuel de parapsychologie chez Duno, déjà sorti depuis fin juin. Face à un visi paranormal entre mythes et réalité chez Kimé, paru le 21 qui est paru le 21 novembre, pardon. Et puis enfin la finalité, le paranormal et la science, j'aime beaucoup ce titre, il très claque beaucoup. Deux gros volumes d'échanges entre François Favre et Philippe Garnier, qui sera paru de toute façon avant fin 2025. Et ben voilà, merci beaucoup Renaud. Merci. Pour toutes ces informations. Alors on est toujours avec Étienne Artru, doctorant en psychologie clinique au laboratoire Interpsy. Étienne, est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi tu es là ? Alors, parce qu'on t'a invité forcément, mais surtout sur quoi est-ce que tu travailles, sur quoi porte ta thèse, etc. Alors, ma thèse ne porte pas sur les expériences exceptionnelles à proprement parler, c'est vraiment sur les états non ordinaires de conscience et plus spécifiquement ceux induits par des techniques, donc qui peuvent être des techniques, donc des substances plus spécifiquement, comme les psychédéliques. Les psychédéliques, il faut peut-être préciser un petit peu. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ? Les psychédéliques classiques, on va dire, c'est le LSD, qui est le plus connu, la psilocybine, qui est l'agent actif des champignons hallucinogènes, et la DMT, donc qui est le principe actif contenu dans l'ayahuasca. Et après, il y a des substances apparentées, donc maintenant, la MDMA aussi et la kétamine sont utilisées aussi un peu comme des psychédéliques en thérapie. Donc moi, j'étudie ça, enfin, comment c'est utilisé en thérapie et ce qui se produit dans ces états de conscience. Et aussi, donc avec des techniques naturelles, donc notamment une modification de la respiration. Alors, on connaît surtout les modifications de la respiration lente pour calmer le stress, etc. Mais là, il s'agit d'une modification qui va plutôt aller dans le sens de la rapidité, donc une hyperventilation volontaire. C'est-à-dire qu'on va se mettre à faire... comme ça pendant un certain temps, mais dans un cadre bien, bien spécifique, avec quelqu'un à côté, sur un matelas, on fait pas ça n'importe où. Mais donc, comme c'est un thème très vaste, puisque en fait, dans ces états-là, on va dire que tout l'inconscient peut ressurgir, hein. D'ailleurs l'étymologie des psychédéliques, c'est qui révèle l'esprit ou qui révèle l'âme. Okay. Et donc, pour ma thèse, à un moment, je me suis recentré sur un fil directeur, qui est celui de la naissance, le thème de la naissance, de l'accouchement, qui semble ressurgir de manière très récurrente dans plein d'états de conscience modifiés. Et encore là, au dernier colloque sur les trans, là, à Paris, eh ben, j'ai découvert que dans la trans cognitive auto-induite, donc là, il y avait une présentation là-dessus, c'était aussi quelque chose qui... Il y avait Jérôme Durand, peut-être, je crois, qui disait que ça... Ça ressurgissait très souvent. Il y a ce thème de la naissance qui revient dans les trans. On va revenir justement à cette histoire de naissance, etc. Mais peut-être pour clarifier pour les gens qui nous écoutent, tu nous as parlé de psychédélique. On entend aussi beaucoup parler de psychotrope. Est-ce que tu peux peut-être clarifier un peu ce que c'est, la différence avec d'autres substances, comment ça se classifie tout ça ? Oui, alors psychotrope, en fait, c'est une substance qui modifie l'état d'esprit, enfin l'état de conscience. Donc, on va dire que la plupart des... Enfin, un certain nombre de médicaments, notamment les antipsychotiques, par exemple, sont des psychotropes. Mmh. Et donc, les psychédéliques, c'est une classe de psychotropes qui modifient profondément l'état de conscience. Et toi, tu as commencé par travailler sur les psychédéliques. Il y a quelque chose qui t'a intéressé particulièrement ? En fait, avant même de recommencer des études en psychologie, j'étais tombé dans la bibliothèque de mes parents sur un livre qui traînait là depuis je ne sais pas combien d'années, donc sur les psychédéliques. Et ce livre, c'était « Les royaumes de l'inconscient humain » de Stanislav Grof. Ok, oui. Voilà, donc un livre qui m'avait assez fasciné parce que j'avais l'impression que, justement, on pouvait trouver, exprimer dans les états de conscience psychédéliques des choses auxquelles, en général, la thérapie verbale n'a pas accès. Et voilà, bon, après... Mais tes parents, ils l'avaient mal caché. Ben, et pourtant, c'était une petite bibliothèque, hein, mais parfois, il y a des... D'où ça vient? Ils ont su se justifier, là? J'avoue que je n'ai pas demandé... T'as pas voulu poser la question. Non, mais bon, ma mère avait pas mal de bouquins de psychologie, et ça t'a intéressé à ça, mais j'avoue que c'est assez étonnant que ce livre se soit retrouvé là, je sais pas trop comment. Et donc, tu tombes là-dessus, t'es pris de passion pour le sujet, tu te dis, bah, let's go, je vais bosser là-dessus. Oui, oui, bah, comment dire, il y a eu pas mal d'épisodes, quoi. Après, j'ai repris des études de psychologie. Ouais. Donc tu faisais quoi avant? Et ben, en fait, j'ai commencé mes études post-bac par une classe préparatoire littéraire. Mais, okay. Et donc, j'étais spécialisé en histoire. Ça reste un peu une passion pour moi, l'histoire. D'ailleurs, j'ai un peu une approche historique aussi dans ma thèse. Mais voilà, je voulais pas faire un master, enfin je voulais pas continuer en histoire, donc après la prépa j'ai fait plusieurs années sabbatiques où j'étais okay. Un petit peu, voilà, profil perdu, on va dire comme ça. J'ai fait d'autres choses, quoi. J'ai découvert autre chose que mes études, ça m'a fait du bien, et après voilà, c'est là où... Mais c'est intéressant parce qu'il y en a qui filent tout droit du master au doctorat, depuis la licence, etc., alors que toi tu t'es d'abord cherché avant de construire un sujet qui te porte, qui te passionne. Oui, c'est ça. Bah, même le sujet de thèse, là, ça a été, il y a eu beaucoup d'évolutions. Hein, et encore, pour tout dire, il y a même deux, trois semaines, hein, moi, j'hésitais à réadapter un peu mon sujet. Il faut fixer à un moment là, si c'est possible. Ah, je suis tellement content de pas t'encadrer. Bah, en fait, c'est parce que justement, le thème de la naissance et des trans, de manière générale, enfin des états de modifiés de conscience, c'est tellement vaste que, et puis en fait, j'avais tellement de matériel par rapport aux rêves que j'hésitais en fait à juste faire la thèse sur les rêves, parce que sinon, après, une thèse, ça peut faire 800 pages, 1000 pages, des cas cliniques peuvent prendre 50 pages, etc. Donc, après, fais-toi plaisir, hein, si t'as envie de faire une thèse qui fait 1000 pages. Bah, tu dois pas en faire plusieurs dans ta vie, hein, normalement. C'est vrai, mais comment dire, il y a un certain cadre qu'on est censé respecter. Et bon, toi, je sais que tu as fait une thèse de... Ouais, j'ai fait 900 pages, alors du coup, je suis très très mal. Et justement, mon directeur me conseille de faire plutôt 400, 500 pages, quoi. Ouais. Sinon, les rapporteurs râlent un peu. Oui, bah oui, après, il y a des gens qui doivent la lire. Au moins deux, normalement. Ben, plutôt quatre. Les examinateurs, ils doivent bien la lire, non? Ou c'est... Ouais, mais en théorie, c'est important. Ils lisent en diagonale. Ok. Et tu nous parlais, avant de nous parler de psychédéliques, enfin, du lien que tu faisais entre les psychédéliques et des expériences de naissance. Est-ce qu'on file du LSD à des bébés? C'est ça que tu es en train de nous dire. Comment? Non, c'est plutôt que... Bon, c'est dit grossièrement, mais sous psychédélique, on aurait plutôt tendance à retourner à un état de bébé. C'est un état de conscience qui serait similaire à celui que le bébé aurait. Et voilà, après ce thème de la naissance, bah justement, en fait, il est surtout associé pour les psychédéliques à Stanislav Grof, qui est un auteur assez controversé, parce que c'est l'un des pères, on va dire, de ce qu'on appelle la psychologie transpersonnelle. Donc voilà, qui part dans des choses très... disons, avec une métaphysique pas habituelle. Donc, par exemple, lui, il parle d'expériences karmiques, de réincarnation, d'expériences d'identification à des animaux, à d'autres choses. Donc, c'est vrai que ça, c'est une partie actuellement de la recherche sur les psychédéliques qui reste très en marge. Parce que, voilà, C'est très proche de New Age, en fait. C'est assez proche du New Age, voilà. Oui, on peut dire ça comme ça. Après, c'est un peu plus... Grof, c'est quand même un peu plus rigoureux aussi, mais c'est pas rigoureux sur le plan très académique, enfin pas autant, voilà. Mais ce qu'on sait pas, voilà, c'est ce dont je me suis rendu compte en faisant une revue de littérature, c'est que avant Grof, il y avait plein d'auteurs qui abordaient cette question de la naissance et qui disaient que justement, les expériences de naissance sous psychédélique étaient extrêmement fréquentes. Des accouchements sous psychédélique? Ouais. Eh bien, c'est tout à fait ça. Vraiment des femmes à qui on donne des psychédéliques au moment de l'accouchement, c'est ça? Le maire. Non, c'est plutôt que sous psychédéliques, des gens, y compris des hommes, vivent. En fait, parce que quand je dis naissance, c'est aussi un vécu d'accouchement, parfois. Les deux étaient mêlés. Et après, bon, par rapport aux femmes qui accouchent, il y a aussi quelques articles, d'ailleurs, qui font un rapprochement entre, justement, l'expérience de l'accouchement, qui nécessite un cadre assez particulier. Comment dire, le cadre actuel très médical n'est pas forcément adapté en fait à une bonne expérience de l'accouchement. Mmh. Et donc enfin voilà, il y a des liens assez intéressants à faire par rapport à ça. Ok, et justement alors ces expériences de naissance ou peut-être de renaissance sous psychédélique, et comment est-ce qu'elles sont vécues par justement ceux qui les décrivent? Est-ce que c'est vraiment très similaire à une vraie naissance ou c'est uniquement sur le plan symbolique? Comment est-ce que toi dans les témoignages que tu as peut-être pu recueillir, tu en entends parler? Alors, j'ai pas recueilli très peu de témoignages par rapport au psychédélique. Moi, c'est surtout par rapport à la respiration holotropique. Donc, il y a un type de respiration là. Ouais, dont tu nous parlais juste avant. Ouais. Mais c'est surtout en faisant de la revue de littérature que j'ai pu voir un petit peu. Enfin, là, quand je dis revue de littérature, c'est de la littérature ancienne. Parce que justement, dans la littérature contemporaine, il y a très peu de récits d'expérience. Et donc, ça se manifeste en fait de différentes manières. À la fois, ça peut être très corporel. Et c'est aussi le cas avec la respiration holotropique, où ça va être l'impression d'être, voilà, de se sentir enfermé, d'émerger de quelque chose. Et parfois, en fait, ça va être identifié par les personnes comme se rapportant à la naissance. Parce que, voilà, c'est, en fait, sous psychédélique, tout comme sur respiration, enfin, l'état de conscience de la respiration, on garde, en fait, une espèce de métacognition, on garde quand même une espèce de conscience de ce qui se passe. Et donc, on peut, en fait, faire une espèce d'interprétation, en fait, directe. Et c'est là où d'ailleurs il y a une espèce de confusion par rapport aux expériences de naissance, parce que ça a été rejeté comme étant pas possible. Parce qu'il y en a qui disaient, ben, ces expériences de naissance, ce sont des souvenirs. Et quand on dit souvenirs de naissance, ben, tout de suite, ça crée, notamment chez les chercheurs de la mémoire, une crispation, parce que avant 2-3 ans, c'est pas possible d'avoir des souvenirs, ce qu'on appelle des souvenirs épisodiques, autobiographiques. Okay. Donc on peut pas se rappeler sa naissance. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une mémoire du corps, une mémoire implicite. Et donc, il semble que, sous psychédélique, cette mémoire implicite puisse se réactiver. Et donc, justement, ça va être en fait, des expériences très corporelles. Ouais. Mais pas seulement, justement. C'est comme si ces expériences corporelles, souvent, ça allait être un peu l'aboutissement. Et avant, va y avoir plutôt des expériences symboliques. C'est-à-dire que la personne va soit se voir elle-même, donc dans une espèce de cellule, par exemple. Et là, il y a une espèce de projection hallucinatoire sur le cadre, sur la pièce dans laquelle la séance se produit. Et par exemple, elle va voir une espèce de petite ouverture. Et elle sait qu'elle doit passer par cette ouverture, mm-hmm. une espèce de tunnel. Voilà, il y a une lueur au bout, etc. Et donc ça, voilà, c'est structurellement, on peut retrouver des correspondances symboliques entre ces expériences et le processus de la naissance. Voilà. C'est marrant le reflet de l'expérience de mort imminente, bah parce oui, que dans l'expérience de mort imminente, on ne doit pas aller vers la lumière, là, alors que dans la naissance, c'est plutôt encouragé. Oui, oui, oui. Bah, je pense qu'avec les. Enfin, moi, je suis assez persuadé que dans les expériences de mort imminente, il y a quelque chose de la naissance qui se rejoue. Après, ça ne se limite pas. Mais. Ouais. En parler. Ok, ok. Alors, tu nous as dit que les récits que tu avais recueillis se passaient essentiellement autour de la respiration holotropique, donc technique d'hyperventilation. Est-ce que tu peux justement nous en parler un petit peu plus, nous dire comment ça se passe? Peut-être pas nous faire un tuto non plus. Hein, toi, tu l'as peut-être expérimenté. Ouais. Oui, oui, j'ai expérimenté. Voilà, comment ça se passe, quoi, parce que nous, on n'y connaît pas grand-chose. Alors, donc là, pour moi, ce que je connais surtout, donc, c'est la respiration holotropique. Donc, a d'ailleurs été inventé par Stanislav Grof, l'auteur dont je parlais. Toujours lui, en fait, il revient en permanence. Oui, il l'a beaucoup utilisé quand il a pu le droit d'utiliser le LSD, notamment. C'est ça, c'est ça, il a créé ça. Alors après, en fait, il a été inspiré, même s'il ne le dit pas, par le Rebirth aussi, qui est une autre technique de respiration assez similaire. Mais le Rebirth, ça a tendance à se faire en individuel, alors que la respiration holotropique, c'est systématiquement, enfin pas systématiquement, mais le plus souvent en groupe. Et donc, Rebirth, quand tu traduis, c'est déjà en lien avec la naissance. Oui, ouais, oui, voilà, c'est pour ça que ça semble tout connecté, quoi. Ouais, enfin, ouais. Ressurgir en tout cas, encore une fois, c'est de la naissance, notamment avec la respiration. Et bon, enfin, la respiration aussi, première respiration, etc. Bon. Mais donc, pour revenir à la respiration holotropique, c'est souvent dans des groupes de taille variable, mais en général 10 personnes, avec en général 2 thérapeutes, slash, on parle d'ailleurs de facilitateurs, facilitatrices, parce que c'est eux qui vont aider à ce que l'expérience se produise. Et donc, on crée des duos. Voilà, après un cercle, on va dire, de paroles où chacun dit un peu pourquoi il est là. Et c'est là où ça dure assez longtemps. C'est-à-dire qu'il y a... Il y a un moment où donc, la moitié du groupe du coup, va respirer pendant, en général, 2-3 heures. Alors, pardon, super, la séance plutôt... Pour mais moi, je respire toute la journée, moi. Alors, c'est beaucoup mieux pour des raisons de survie évidentes. La séance, en fait, dure 3 heures, 2-3 heures, mais on ne respire jamais, on n'hyperventile jamais pendant 2-3 heures. C'est-à-dire que l'hyperventilation est un peu une clé d'entrée dans l'état de conscience. Mmh. Et là, souvent, au bout de... Pour certaines personnes, 2 minutes, pour d'autres, 15 minutes, pour d'autres, ça, encore, ça vient jamais. Mais là, il commence à se passer quelque chose, sachant que le cadre est important. Hein, y a pas de lumière, on a souvent un masque sur les yeux pour pas voir aussi ce qui se passe d'alentour. Et il y a de la musique. Il y a de la musique. Quoi comme type de musique? Des musiques un peu transcendantales, des... Alors souvent... Chantal c'est... Goya. Oh waouh. Ah moi, je pars en transe direct. Hein. Je pars tout court, d'ailleurs. Et ben... justement, on évite les musiques avec des paroles, ouais, qui pourraient évoquer des souvenirs ou quoi. C'est plutôt des musiques instrumentales, mmh, des musiques du monde, voilà, avec des paroles qu'on peut pas comprendre. Et donc des musiques souvent au début très tribales, très du tambour, très fort, en fait, des percussions, voilà, comme ça, ouais, voilà. Ouais. Et après ça évolue. Ça dépend de chaque thérapeute, mais souvent il y a une évolution, mmh, et vers la fin ça va être des musiques beaucoup plus douces, etc. Ok. Et donc, ok. Et du coup, vous faites ça en groupe. Et donc, tu disais, c'est une technique d'hyperventilation. Et si je dis pas de bêtises, c'est assez contre-intuitif. Mais vous respirez plus pour apporter moins d'oxygène au cerveau, en gros. Oui, oui, c'est ça. C'est que paradoxalement, le fait de respirer plus va créer. Un processus d'hypoxie au niveau cérébral qui fait qu'en fait il y a moins justement d'oxygène, notamment dans les zones préfrontales qui sont plus les zones de la réflexion, et donc ça permet justement de libérer un petit peu ce qui va se passer à un niveau plus émotionnel. Mmh. Et donc ça va se manifester souvent d'ailleurs par on a l'impression que le corps bouge tout seul, quoi. Enfin, comment dire, il se passe des choses au niveau corporel, souvent d'ailleurs un peu amené par la musique. Et c'est comme si le corps avait besoin d'exprimer certaines choses. Okay. Et donc, on bouge, mais on a l'impression que c'est pas soi qui bouge, ouais, sans être possédé non plus. Mais c'est quoi? C'est des tremblements ou c'est vraiment des grands mouvements? Tu te lèves, tu te mets à marcher, Alors ça, c'est propre à chacun. C'est propre, ouais, à chacun. Moi, je sais que je bouge beaucoup, justement. Je tape partout. Okay. On a remarqué avec la table. Ça marche. Voilà, après, il y en a qui peuvent se mettre à danser, etc. Ah oui, ok. C'est pas voilà, juste c'est... des petites convulsions, comme ça, c'est... Non, non, après, voilà, ça dépend beaucoup du cadre, en fait. J'ai l'impression que c'est... Ouais. Comment les thérapeutes ont amené aussi, est-ce qu'il était possible ou pas, sortir du tapis. Mais voilà, il y en a, en fait, qui, à un moment, ils ont l'impression d'incarner quelque chose d'un animal, et donc ils vont aller bouger, ou crier, pleurer, il y a beaucoup de pleurs... voilà. Et en fait, il y a un travail aussi des thérapeutes qui viennent à certains moments spécifiques, hein, parce qu'ils sont expérimentés, ils viennent aider un petit peu parfois le processus. Donc, il y a un travail corporel que font aussi les thérapeutes. Donc, c'est voilà. Ok. Et tu nous disais que ces techniques de respiration holotropique, bon, elles n'étaient pas forcément nées à ce moment-là, mais en tout cas, elles avaient été utilisées par Stanislas Grof, c'est ça, hein, je dis pas, je te prononce bien. Stanislas. C'est un tchèque, c'est bon. Grof, c'est pas ça. Ok. Quand il avait pu eu le droit d'utiliser le LSD. Mm. Et moi, ça me paraît fou de me dire, en fait, il a eu le droit à un moment d'utiliser le LSD. Est-ce que ça veut dire que le LSD était, parce que bon, à cette heure-ci, c'est vu comme quelque chose d'illégal, c'est une drogue, voilà. Mais est-ce que c'était avant considéré comme un truc hyper ok, et on prenait du LSD et on voyait ce qui se passait? Est-ce que tu peux nous faire un historique du LSD? C'est fou, ma question. Oui, oui, c'est intéressant, parce que ce qu'on ne sait pas très bien, c'est que voilà, ça a été donc synthétisé par Albert Hofmann. Donc je crois que c'est en 1943, après lui-même en fait, il y a une espèce de sérendipité, comme on dit, enfin, il découvre quelque chose où en fait il a une expérience, alors que normalement il prenait énormément de précautions, il a une expérience en manipulant un produit qui est le LSD-25, du coup. Il y en a plusieurs. J'ai un trou par rapport à la plante concernée, mais bon. L'ergot de seigle. L'ergot de seigle, voilà, l'ergot de seigle. Bon, et à un moment, il décide de se tester lui-même avec une dose très, très minime. Et il a une expérience assez incroyable. Voilà. Et donc. Dose très minime qui est aujourd'hui considérée comme une dose extraordinairement forte. Voilà, c'est ça. Bah, je crois que c'était 200 microgrammes. C'est-à-dire que microgrammes, okay. Et ça, actuellement, ça paraît être une dose. Oui, parce qu'on utilise 2 nanogrammes. Ah oui, ok. On rajoute des zéros. Tu m'as l'air vachement au courant quand même, Renaud. Je crois que je donne un cours sur les psychédéliques à l'université. Tu parles de ton expérience personnelle, surtout. Oui, d'enseignant-chercheur. Oui, voilà, d'enseignant-chercheur. Et donc. Pour sauter un petit peu quelques étapes, bon, voilà, le laboratoire qu'il employait, donc sans dose, après, distribue en fait du LSD à plein de psychiatres avec l'idée que ça pourrait être utilisé à des fins thérapeutiques ou en tout cas pour comprendre, notamment d'ailleurs, la psychose, parce qu'on disait que ça ressemblait aux états psychotiques. On parlait de psychotomimétique, hein, qui mime la psychose. Et donc, dès les années 1950, il y a peu d'études au début, mais de plus en plus d'études dans les années 1950-1960 qui montrent qu'il y a un effet thérapeutique, mais à chaque fois dans un cadre thérapeutique. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de cadre thérapeutique, c'est-à-dire que on prend ça dans une chambre d'hôpital, que les médecins sont là en train d'évaluer, si on prend ça sans savoir ce que c'est, voilà, sans être préparé. Oui, parce que parfois on donnait ça à certaines personnes en hôpital, alors, sans même qu'ils le sachent. En injection. Ouais, voilà. C'est particulier. Et ça, ça c'est pas associé à des effets thérapeutiques. Mais donc, il y a eu plein d'articles qui ont été publiés dans les années 50-60. Des plusieurs, genre 4000, 5000, je crois. Hein. Oh la vache. Ah non, c'est plus 30 000, je crois. Oh, oui, toute drogue confondue, alors 30 000 J'avais ce chiffre-là, je crois. D'accord, j'ai un doute. C'est une surenchère, là. 1 million d'articles. allez. Mais en tout cas, je crois que c'est plus de 4 000. Mais bon. Et après, en fait, bon, dans les années 1960, ça commence à se diffuser aux États-Unis dans la population. Ouais. Notamment avec une figure qui s'appelle bien connue, qui s'appelle Timothy Leary, qui est à la base psychologue à Harvard, et voilà, il commence à expérimenter ça avec des étudiants, voilà. Etc. Enfin, ça commence psychologue d'université, t'as vu comment ça finit, Renaud ? Et attention, ouais, c'est les meilleurs cours. Et voilà, le LSD étant pris un peu dans des contextes différents, enfin, si ça s'inscrit dans un milieu socio-culturel, hein, la contre-culture, les hippies, ça suscite une réaction au niveau gouvernemental, enfin voilà, c'est interdit. Mais c'est d'abord interdit en France, tu le sais ça, hein? Non, je... Ah d'accord, je peux faire mon petit prof là? C'est ton travail. Donc en 66, il y a une chroniqueuse médicale, un médecin, qui dans Le Monde publie une série de 3 articles sur les poisons de l'esprit, et qui va raconter un tas de conneries sur le LSD, qui modifie l'ADN, qui a des séquelles pour les femmes enceintes, etc. etc. Et qui va au bout, qui va créer un tel scandale, que dans un mois après ces articles, le gouvernement classe le LSD parmi les stupéfiants. Donc là, on est en 66. C'est seulement quelques années plus tard que les États-Unis reprennent cette interdiction et que c'est ensuite diffusé lors d'un congrès à Genève en 71 de l'ONU et que le monde entier va classer ces différentes drogues qui sont des objets d'études et de thérapie parmi les stupéfiants pendant 30 ans. Quoi. Mais ce qui est dingue, c'est que c'est classé comme stupéfiant pour la population. Mais du coup, ça impacte aussi le médical, qui n'a plus le droit de s'en servir. Oui, non plus. Il y a des stupéfiants. C'est des substances qui sont dangereuses, qui n'ont aucune espèce d'intérêt thérapeutique. Ce qui était complètement faux. Oui, voilà, tout à fait. Oui, et puis même en termes de danger objectif, en tout cas au niveau toxicologique, il n'y a aucune. Il n'y a pas d'overdose de LSD, en fait. C'est pas addictif sur le plan physiologique. Ouais. Ni psychologique. Il y a des nuances pour certains, comme la kétamine, etc. Oui, la kétamine, c'est un peu différent. Ouais. Mais oui, c'est pas dangereux. Alors, après, voilà, évidemment, ça peut être dangereux sur le plan psychique. Hein, ça peut évidemment bousculer, notamment des gens qui auraient des fragilités psychotiques, parce que comme ça ouvre, on va dire, un peu l'inconscient, s'il y a pas un... C'est pour ça, comme tu dis, il faut toujours un cadre, et dans les études médicales, il y a un cadre. On sélectionne les gens, on les accompagne avant, on les accompagne après, on les accompagne pendant. C'est vrai que l'usage récréatif de ces drogues est dangereux. Il y a des décès qui peuvent arriver, c'est rare, mais qui peuvent arriver. Oui, alors je pense qu'il faut pas... Bon, les décès, c'est vraiment rare, mais bon, enfin, il y a en tout cas des gens qui effectivement peuvent avoir des décompensations ou avoir un effet un peu traumatique, quoi, de l'expérience. Le plus souvent, bon, ce qu'on appelle le bad trip, la mauvaise expérience, ne va pas avoir des effets, des séquelles à long terme, le plus souvent. C'est mais, un mauvais moment sur le moment, quoi. Voilà, mais ça peut ancrer quelque chose de l'ordre de l'angoisse et après avoir quand même des, un peu des répercussions psychologiques. Voilà, donc je pense qu'il faut avoir un discours nuancé, c'est-à-dire que c'est pas sans danger, mais bon, c'est clair qu'on a... Mais les articles de 66 étaient peut-être trop... Oui, bah oui. Pas complètement fallacieux, quoi. Oui, puis là, nous, on appelle ça la renaissance psychédélique. Ça reconnecte avec ton toujours sujet. Toujours la renaissance. Et donc, depuis une trentaine d'années, il y a de nouveau un paquet de recherches qui fait qu'on en sait énormément sur tous ces domaines, même s'il y a beaucoup de choses encore à développer. Oui, c'est ça. Il y a de plus en plus de recherches. Enfin, ça explose vraiment. Alors, en France, là, ça commence à se développer. Il y a quelques études cliniques qui ont été menées. Toi, tu as publié, par exemple, sur quoi ? Moi, j'ai juste publié une revue de littérature. Donc sur les psychédéliques dans le cadre de la dépression, voilà, avec une approche un peu psychanalytique. Mais ça donne quoi en gros ? Et ben justement, ça a des effets assez nets sur des dépressions qui sont pourtant résistantes aux autres traitements. Et en fait, ce qu'il faut préciser, c'est que ce qui est important avec les psychédéliques, justement, c'est pas l'effet pharmacologique. Contrairement par exemple aux antidépresseurs, enfin, ou ce qui est habituel en pharmacologie, là c'est vraiment l'expérience qui est corrélée aux effets thérapeutiques. Okay, ouais. Oui, parce que c'est très étonnant, en fait il y a effectivement une transe pendant quelques heures, ça dépend des produits pour la durée, mais ensuite ça disparaît dans le sang très rapidement, donc c'est pour ça que ça ne crée pas de dépendance physique, parce qu'il n'y a pas du tout de syndrome de sevrage et des choses comme ça. Mais les effets continuent par la suite, puisque le point de repère, c'est l'expérience, parfois même mystique, que la personne a pu avoir. Oui, voilà, c'est aussi corrélé à ce qu'on appelle des... Enfin, l'intensité de l'expérience est corrélée à l'apparition d'expériences mystiques. Mais justement, je pense que peut-être une des limites de la thérapie, des thérapies actuelles, c'est que ça se base sur un modèle où on fait passer les patients que une ou deux fois, on leur fait faire que une ou deux expériences, alors que c'est quand même un processus qui justement se poursuit. Donc parfois on initie quelque chose qui va être thérapeutique, mais aussi il manque des études à long terme sur voilà. Ouais. Et tu penses du coup qu'il faudrait plusieurs prises avec un intervalle régulier pour ancrer plus des effets, des résultats intéressants ? Et ben en fait, historiquement il y a deux modèles. Il y a ce qu'on appelle le modèle psycholytique. Donc là c'était des doses un peu plus faibles et donc effectivement intervalle répété. Et il y a le modèle psychédélique. Et là, psychédélique au sens de l'expérience psychédélique qui était associée à l'expérience mystique, où là, c'est effectivement, on vise à produire une expérience transformatrice qui est associée à l'expérience mystique, qui, effectivement, la plupart du temps, ça change la personne, ça peut changer ses croyances métaphysiques, il y a un changement assez net. Après, justement, une partie de mes recherches, c'est de m'interroger sur qu'est-ce qu'il y a derrière cette expérience mystique. Ouais. Et bon, vous vous en doutez, il y a quelque chose de la naissance. Il y a quelque chose de l'ordre de la naissance, justement, qui revient à ce moment-là. Mais comment ça s'est passé ta naissance, du coup, Étienne ? Il a dit qu'on n'avait pas de souvenir avant 3 ans. Ah, mais on peut demander quand même. Bah, l'avantage de la naissance, c'est qu'au moins on peut vérifier la plupart du temps ce qui s'est passé. Moi, j'ai pas une naissance particulière, enfin, à part qu'on a provoqué. On a déclenché ma naissance. Tu voulais pas sortir, voilà, soit je voulais pas sortir, soit ma mère voulait pas me laisser sortir, mais il y a un truc. C'est un peu mignon. On entend pas mal quand on. Enfin, tu m'as donné quelques articles écrits que tu avais fait à lire pour préparer l'émission. Et il y a un terme qui revient souvent, c'est celui d'enveloppe, d'enveloppement, de ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Parce que je crois que c'est quand même très lié à la naissance. Parce qu'en fait, quand on parle de naissance, il y a aussi un concept que j'interroge beaucoup dans ma thèse, c'est celui de traumatisme de la naissance. Mais quand on entend naissance, en fait, il y a différents aspects. Donc il y a l'aspect, par exemple, d'un passage difficile, hein, donc ça c'est important, et souvent quand on dit traumatisme à la naissance, on se concentre là-dessus, sur la question du passage, mais à la base la notion de traumatisme à la naissance qui vient il y a un siècle, c'est cette notion de justement passer d'un environnement particulier, qu'un environnement très enveloppé, un environnement enfin, où on forme un duo organiquement avec la mère, à un état où on est individué, en tout cas sur le plan biologique. Et donc, littéralement, on perd une enveloppe. Et donc, l'idée, c'est que il faut du temps avant que, enfin comment dire, le bébé a besoin de se recréer une enveloppe qui va être à la base très matérielle. Il faut que le bébé soit tenu, etc. Et ensuite c'est une enveloppe sur le plan psychique. Donc il y a un traumatisme de la naissance ou pas? Ben peut-être que le terme traumatisme est pas adapté au sens où tout de suite dès qu'on dit traumatisme on pense psychopathologie alors qu'en fait souvent traumatisme ça peut aussi donner ce qu'on appelle la croissance post-traumatique, de la résilience et je sais pas, j'ai un exemple, je sais pas si c'est très pertinent, mais quelqu'un qui justement me disait que pour lui, bon, la notion de traumatisme de la naissance c'était ça lui parlait pas parce que justement il avait une naissance très traumatique, très difficile alors que bon là il va très bien, c'est quelqu'un qui ouais, c'est pas très actif. Traumatisme au sens du syndrome post-traumatique vraiment non, douleur de la naissance. Mais enfin, ça se discute. Mais donc pour finir sur cette personne, vas-y. C'est quelqu'un qui par exemple était très intéressé, qui est passionné même par ce qu'on appelle les expériences de sortie de corps. Et okay. Bon, le lien pourra paraître un peu superficiel, mais voilà, quand on sortit de corps. Est-ce que oui, tu peux nous expliquer juste très rapidement ce que c'est, peut-être pour les gens qui l'ont pas. Ben, c'est les gens qui vivent l'expérience de se voir. Au-dessus de leur corps. Ils sont sortis de leur corps, en tout cas, ouais. Subjectivement, ils se voient au-dessus de leur corps. Et donc voilà, bon, le lien, encore une fois, bon, peut paraître un peu rapide, mais quand on sait que le psychisme fonctionne justement avec des analogies, etc., ben, moi, ça me paraît pas du tout anodin que quelqu'un qui ait vécu une naissance traumatique, où la sortie a été difficile, soit passionné par les sorties de corps. Bon, voilà, après, c'est. Ça mériterait évidemment des... Mais c'est vrai que dans ton travail, tu te bases sur des témoignages, en fait. C'est vraiment le cœur de... Et ces témoignages, tu les passes à la moulinette d'une analyse qui vient de la psychanalyse, qui cherche aussi des symboles qui seraient peut-être un peu universels pour notifier ce qu'est la naissance, c'est ça? Oui, c'est... Parce que dans les études actuelles, en fait, j'ai une méthode qualitative qui va s'intéresser vraiment au récit. Dans les méthodes actuelles, on a tendance à extraire en fait des expériences des thèmes. Mais donc, quand on extrait des thèmes, on perd toute la chronologie de l'expérience. Donc moi, je vais vraiment en fait questionner vraiment ce qui s'est passé et donc faire une analyse, on va dire, ce qu'on appelle diachronique, une analyse chronologique un peu de l'expérience. Okay. Et c'est là qu'on peut identifier en fait des étapes de la naissance, en tout cas une similitude de structure. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Après, voilà, chez certaines personnes, ça va se manifester. Elle-même va avoir l'impression qu'il y a un lien avec sa naissance, va avoir l'impression d'avoir revécu sa naissance. Et c'est cool, en fait, de revivre sa naissance. Enfin, vraiment, c'est souhaitable. Ben, chez les personnes pour qui ça a été difficile, souvent, ça peut être une expérience très, très difficile. Là, je pense justement à une personne avec qui j'avais fait un entretien, où elle a fait une expérience de respiration holotropique. Elle avait l'impression, elle n'arrivait pas à respirer, elle avait l'impression qu'elle allait mourir. Vraiment. Ouais, pas fun. Non. Et d'ailleurs, enfin, elle n'a jamais voulu recommencer. Mais oui, en même temps. Mais en même temps, j'ai l'impression que, voilà, qu'en étudiant un peu le parcours de cette personne, qu'il y a quand même des effets de symbolisation. Quoi. Le fait de vivre ça, des effets de symbolisation. Et en fait, elle ne savait pas comment elle était née. Et seulement un ou deux ans après, une personne qui avait une soixantaine d'années, bon, par un certain hasard, un peu, la question de hasard, on pourrait en faire une émission complète. Mais elle apprend, enfin, sa mère, elle apprend que quelqu'un, que sa mère a dit à quelqu'un d'autre qu'elle était née par une césarienne très, très compliquée, une césarienne d'urgence. Okay. Et donc, il se trouve que justement, pendant son expérience de respiration, elle avait l'impression, en fait, d'être dans une grotte, d'être comprimée dans une grotte dont elle n'arrivait pas à sortir, qu'elle était face à un mur. Et les thérapeutes sont venus, alors on fait un espèce de cercle avec les mains, donc eux ils ont conscience un peu de ce qui se passe, mais elle était incapable de bouger, de passer par ce cercle. Et si on se dit qu'elle est née par une césarienne, en fait ça paraît logique qu'elle n'ait pas pu bouger, en fait. Donc après la question c'est, est-ce que il aurait fallu qu'elle revive une expérience de respiration pour aller au bout, ou est-ce que le simple fait de l'avoir revécu ça a produit des effets de symbolisation? Peut-être. Et par exemple, cette personne, elle était passionnée de spéléologie. Ouais, quand elle, bon, okay, ouais. Encore une fois, le lien peut paraître un peu vite fait, mais quand elle, quand elle m'en parlait, elle me disait, voilà, elle avait toujours eu du plaisir à ramper dans la boue, dans les tunnels, et que c'était toujours une très grande joie d'émerger à la lumière du jour. Donc en fait, voilà, c'est là où je rejoins la psychanalyse, c'est le côté... le discours de la personne est toujours... y a toujours du sens, en fait, c'est ça. C'est de comprendre le sens des expériences. Voilà. Et comme par hasard, encore une fois... Étienne, le hasard. oui, c'est vrai que j'aime bien ça. Voilà, pareil, peu de temps après son expérience de respiration, elle se retrouve à faire de la spéléologie et à être bloquée dans une grotte pendant très longtemps, ouais. Toute une journée, je crois. Et voilà. Ça devient flippant, ton truc. Ouais. Et là, elle a fait de la respiration holotropique. Elle a grillé tout son oxygène. En fait, elle est morte. Non, horrible. Ok, waouh. Non, mais ce récit est assez impressionnant. Il y a un truc, moi, quand même, qui m'interroge. Enfin, c'est plus sur toi, comment t'en es arrivé là. C'est que t'interroges ça sous un jour plutôt phénoménologique, où tu t'intéresses vraiment à l'expérience. Et c'est vrai que j'ai l'impression que actuellement, au sens général, la science va plutôt interroger le côté cérébral. On va donner du LSD aux gens, on va regarder ce qui se passe dans les neurones. Qu'est-ce qui, toi, t'a fait te dire je vais plutôt aller du côté de la phénoménologie, de la psychanalyse, et interroger les liens et faire des associations comme ça, plutôt que non Renaud, pas l'argent, pas l'argent en psychologie, ça va pas ou quoi. Il y a toujours un point de départ. Ta thèse est une thèse financée qui avait une thématique. Ah oui, tu disais qu'on devenait riche en étant psychologue. Non. Bah absolument pas. C'est pour ça que je dis bah non. Non, c'est pas compris. L'argent, oui, ça, c'est l'argent qui m'a permis de faire ma thèse. Mais après, tout simplement parce que on peut étudier le cerveau de quelqu'un qui prend du LSD, mais en fait, on n'en comprendra jamais son expérience en étudiant son cerveau. Quelle était la thématique donnée à l'origine pour ta thèse, pour le financement de ta thèse, qui était sur candidature, hein, tu as dû passer à un jury. La thématique, c'était métapsychologie des états non ordinaires de conscience. Donc c'était très général, tout ce que tu me dis là, voilà les différences. Tu as bien dû perdre tout le monde dans le jury avec ça, c'est cool. Mais c'est pas lui qui a imposé ce thème. Hein. Oui. Ouais, c'est lui qui t'a perdu. Oui, je me suis... Oui, c'est pour ça que j'avais du mal à aborder cette question des états non ordinaires de conscience. C'est quoi la métapsychologie juste? La métapsychologie, c'est le nom que Freud donne à son appareillage théorique. Donc on essaye de modéliser les processus psychiques dans telle ou telle situation. Ok. Et donc c'est une thèse qui pourrait être très théorique, même si tu dis que tu as des entretiens, etc. Toi, tu essayes de penser globalement ce qui se joue. Oui, alors cette notion de métapsychologie des états non ordinaires de conscience, moi je l'ai un petit peu justement abandonné dans ma thèse. Enfin, comment dire abandonné à la naissance. le fait d'analyser des expériences dans divers états de transe, ça me permet d'avoir une approche un peu méta justement sur les états non ordinaires de conscience. Ce que j'analyse, c'est vraiment en fait un croisement de deux thèmes. Comment les états non ordinaires de conscience nous éclairent sur l'expérience de la naissance, comment elle est vécue. Et comment justement cette expérience de la naissance, telle qu'elle est revécue dans les trans, nous éclaire sur ce qui se passe dans les trans. Et pour revenir à ta question, justement ce qui se passe dans les trans, ça se passe au niveau symbolique, par exemple, beaucoup. Et le niveau symbolique, encore une fois, on peut y avoir accès seulement en interrogeant la personne, en faisant des interprétations qui sont toujours discutables. Mais c'est pour ça que tu as fait la comparaison avec les rêves. Le trésor initial dans lequel a puisé Freud. Oui, voilà. C'est ça. Les rêves sont, pour moi, sont un petit peu l'état de transe originel, quoi, le modèle. Et pareil, un rêve, on peut avoir une approche neurobiologique des rêves, mais en tout cas, si on veut comprendre au niveau subjectif pourquoi la personne a rêvé ça, il faut parler avec la personne, il faut comprendre dans quel contexte elle a rêvé ça, il faut connaître un petit peu la symbolique. Toujours une symbolique idiosyncrasique, individuelle, mais bon, il y a aussi des symboles qui... Ouais, un langage des symboles, ça c'est sûr. Et justement, quand tu recueilles des témoignages comme ça, est-ce qu'il n'y a pas un risque, un biais, quelque chose à un peu prendre en compte du fait que tu recueilles des récits de, d'expériences sous psychédéliques chez des participants. Est-ce que tu prends plus de pincettes que pour d'autres récits, je sais pas. Comment ça se passe pour toi quand tu recueilles des témoignages? Bien, j'interroge d'abord la personne sur comment elle a vécu son expérience avant même qu'elle me le raconte. Mais parce qu'effectivement, quand on va demander à la personne de raconter son expérience et lui poser des questions précises pour déployer un petit peu son expérience, donc ce qu'on appelle la microphénoménologie, il y a des effets un petit peu de reviviscence. Ouais. On va se remettre vraiment dans l'expérience. Et d'ailleurs, ça a plutôt en fait un effet positif. Parce que justement, des choses qui n'étaient pas nécessairement justement symbolisées, intégrées, là vont d'un coup se déployer. Donc ça, c'est important. Mais effectivement, il faut prendre des pincettes parce que justement, comme ça peut être des expériences très, très intenses, il ne s'agit pas de recréer éventuellement des troubles. Et tes interprétations à toi, tu les proposes aux personnes que tu rencontres à un moment, comme ça, il y a un feedback où tu vérifies si ça colle pour eux, si ça fait du sens? Alors, pendant l'entretien, alors en fait, moi, c'est un cadre de recherche, c'est pas des entretiens cliniques, donc ça, justement, par rapport à ça, il y a une certaine limite, parce que j'ai peu d'associations, enfin, souvent j'ai fait un, deux, trois entretiens, donc ça reste assez pauvre sur le plan clinique. C'est-à-dire que tu connais pas bien la personne, tu sais pas trop à quoi ça renvoie tout ça, quoi. Oui, voilà, mais après, bon, souvent avec même un seul entretien très développé, enfin, on peut avoir beaucoup d'éléments, et puis après, je lui pose des questions sur son enfance, etc. Redis-moi ta question. J'ai oublié moi-même. Oui, mais c'était l'apport du plan clinique, ou plutôt le manque de plan clinique, des fois, sur certains de tes participants, où, oui, tu connaissais pas très bien. Oui. Ouais. Ok. Donc, tu nous as parlé de beaucoup la théorie autour des expériences de naissance, des psychédéliques, du matériel que tu avais recueilli, du matériel dans le sens témoignage. C'est quoi la suite pour toi? Qu'est-ce qui t'attend dans les mois à venir? Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? C'est quoi les projets? Eh ben, déjà finir d'écrire ma thèse. Parce que t'es en quatrième année, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Je suis remis le couteau dans la plaie, vas-y. Une quatrième année qui, elle, n'est plus financée. Là, c'est remuer le couteau, ça. Eh ben, c'est ça, je suis plus financé, donc merci France Travail de financer ma thèse pour le moment. Donc voilà, là, j'essaye d'écrire beaucoup pour terminer. Ma soutenance, idéalement, voilà, en juin ou septembre, bon, on va dire deuxième moitié de 2026 pour être sûr de ne pas me faire mentir. Oui. Et donc après, pardon, je pense que après 2026, l'idée c'est d'avoir une petite pratique de psychologue. Et j'aimerais bien continuer dans la recherche quand même, ça m'intéresse. Ouais. Ça ouvre un champ pour mes recherches avec les psychédéliques assez énorme. Et idéalement, ce serait de trouver un postdoc. Okay. Voilà, donc il y a quelques projets éventuellement là, qui se lancent. Après, il faut avoir des financements, donc ça, c'est potentiellement compliqué. Mais voilà, trouver un postdoc ou sinon être dans. Et comment on trouve un postdoc? Sur France Travail, entre et Charpentier. Ouais, c'est post-doc. Ça, c'est quoi la référence? Postdoc psychédélique. 007. Et ben, soit, voilà, il y a des annonces, comme moi j'ai candidaté à une offre de thèse, des annonces, souvent à l'étranger. Voilà, là, il se trouve que je connais des gens qui ont lancé un projet par rapport aux psychédéliques. Donc voilà, c'est un peu par réseau. Mais voilà, ce projet, est-ce qu'il va se faire? Ça dépend s'il y a un financement ou pas. Donc, mais t'es obligé de candidater alors que t'as même pas fini ta thèse, que t'es en plein le nez dans ta thèse. Oui, c'est ça, voilà. Ouais, en fait, tu te projettes sans savoir vraiment où t'en seras, c'est un peu... Il faut toujours prévoir. Moi, j'ai du mal à me projeter, mais je peux... Comment dire? Je suis toujours à 6 mois près, donc... il faut que je... J'ai bien 6 mois. Il faut que je prépare un petit peu la suite, effectivement. Oui, parce que c'est quand même assez précaire comme statut chercheur. Bah oui, parce que même trouver un postdoc, ce serait toujours que pour 2 ans. Ah oui, c'est ça, c'est des petits contrats pas très longs. Donc voilà, effectivement, en plus, maintenant que je suis plus payé, alors quand j'étais payé, c'était un peu pour moi, la situation de roi, quoi. Oui, n'est-ce pas? C'est marrant, on en a déjà beaucoup parlé, effectivement, voilà. C'est un peu une situation qu'on aime beaucoup tous les deux, le contrat doctoral, c'est plutôt sympa. Mais ça met une pression aussi. Quand même, c'est un travail très libre, mais tu sais que tu dois rendre quelque chose. Oui, alors justement, quand t'es en première, deuxième année, tu vois pas trop le... C'est à partir de la troisième année, je confirme, à partir de la troisième année, c'est la panique. Mais oui, là, justement, la quatrième année, faut que je termine vraiment rapidement, idéalement, cette année. Oui, il y a une certaine pression, effectivement. Et effectivement, une pression aussi de pas savoir, il faut à la fois finir la thèse, et en même temps, on sait pas trop ce qu'il va y avoir ensuite. Donc c'est vrai que c'est une double pression, ouais. Mais bon, c'est comme ça. Bah écoute, on te souhaite de trouver ce qui te convient le mieux. Tu sais, pour finir ce podcast, on a toujours une question récurrente qu'on pose à tous nos invités. Tu es donc le quatrième, donc tu vas avoir droit à cette même question. À savoir, qui est-ce que tu aimerais qu'on invite, voire prendre ta place dans ce studio avec nous? Est-ce que tu as des noms à nous suggérer? En fait, on te demande juste de bosser pour nous, là. Plutôt fait notre question d'invité. J'avoue qu'à part les la horde d'or de Renault, j'ai pas vraiment de. Enfin voilà, j'aimerais bien voir ami et collègue Alexandre Batissou là, mais bon, malheureusement il est assez loin. Géographiquement, c'est un peu compliqué. Mais voilà, peut-être. Ouais, peut-être Gaëtan Collignon aussi. Ouais. Mais bon, j'imagine que vous les avez déjà sur votre liste. Oui, j'ai les deux sur ma liste. Voilà, donc, j'ai pas. Usual suspects. Ok. Eh bien, écoutez, moi, ce qui m'a fait faire, c'est vous remercier tous les deux. Ouais. Dieu, wow, je vous ai mis vraiment sur un papier de salle. Remercier également Radio Fadjet, qui nous prête ses studios pour l'enregistrement de cette émission. L'association Anomalie, dont on a parlé au début, qui produit ce podcast. Et puis, encore une fois, merci à tous les deux pour ce chouette moment. Merci de m'avoir invité.